bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour le sauvetage ou nous réécouter à quai, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et sur Instagram, LSD La Série Documentaire, pour des images de l'intérieur de la maison de la radio. Demain, dernier épisode, des drogues dans le milieu maritime.